et on tourne en rond, tellement on se fait chier ici. On prépare tous nos petites conneries, même notre mort aussi. On tourne en rond, mortel, on se prend parfois pour des modèles, mais non. On stagne, mais bon, je prédirais que l'évolution, à dire vrai, c'est plus pour nous, plus pour toi, plus pour moi, c'est comme ça, et ça se voit. On tourne en rond, c'est tellement con. On tourne en rond et tous les jours se ressemblent, mais bon, tous les fous s'assemblent et se sentent mieux. Et tourne, ça me semble long sang. Des sentiments, tous mes sens me font vivre vieux. On tourne en rond et tous les jours se ressemblent. Mais bon, tous les fous s'assemblent et se sentent mieux. On tourne et tourne, ça me semble long sang. Des sentiments, tous mes sens me font vivre vieux. C'est on est taré. C'est con, mais c'est comme ça. T'as raison, c'est triste. On se piste, plus on avance et plus on danse avec l'illettrisme. Une vague d'amertume, une plage où s'échoue l'écume. Un nuage qui nous cache la lune, un orage de ma rancune. C'est on tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. Tout n'est qu'ombre et sombre et la vie. Mais ça, c'est juste mon avis, tu sais. On tourne en rond et tous les jours se ressemblent. Mais bon, tous les fous s'assemblent et se sentent mieux. On tourne et tourne, ça me semble long sang. Des sentiments, tous mes sens me font vivre vieux. On tourne en rond et tous les jours se ressemblent. Mais bon, tous les fous s'assemblent et se sentent mieux.